Non pas cet Antoine pour pèlerinage, pas des lions de mort. Yo dis moi bon ça, son secret mais ça. Depuis où qu'elle a foi, non que cet Antoine n'a pas son besoin. Yo dis moi bon ça, son secret mais ça. Depuis où qu'elle a foi, non que cet Antoine n'a pas son besoin. Lacrimé, pas qu'on va faire vétige. Depuis on a un gant à faire sacrifice, on va prospérer. Les miracles, pas qu'on va faire vétige. Depuis on a un gant à faire sacrifice, on va prospérer. C'est en toi, la vie non bien. Faut prendre de bras, toi pas nous bonnes. C'est en toi, la vie non bien. Faut prendre de moi, papa nous bonne. C'est Antoine, papa. Vin la prière. En qualité, mon dépôtant de monter Saint Antoine. Yo monte à Conga l'on clairé. Y'a le tombé bois. Yo sous. Yo oublié si c'est la prière, t'as la prière. En l'autre série, monde même, là, yo monte Saint Antoine. Yo parle pour l'autre bagaille. Ça, c'est madame, yo beauté qui déroule en caille. Ça, yo n'en ka. À la bagaille qui dit. Selon nos mariés, confiés au pape travail. Au pape lever ni l'eau ni léger. Toute la journée, la montée descend dans la caille, après la navette. Ah, la salle cuisine la salle, la salle la cour cuisine. Vous comprenez, après la navette, après la descend dans la caille. Les consacres, mais pas être dans le balcon pyjama, pour mon capable, habitant de Corée. Connaît ça qu'il faut arriver. Ah, et de bagaille, on ne peut pas aller, oui. Ou on ne peut dire. Même pour la société. On prend ancien d'Aïda, tout le monde. On prend ancien Ford, trois pédales. On sait où est statue. On va chouer. Mais là, on était pour regarder les figures, mon Dieu. Pour regarder les codes qui t'a la donne. Mais là, on a dit qu'il y a. Ah! Il manque 600 euros, 600 bas. Et puis, il y a le courage à pourrir pour Jean Bellon. Il comprend qu'il y a fait d'audition encore. Ça, c'est absurdité. L'inconduitité. Bon. Regardez nos femmes. Femmes avec automobile dormi dans la même cabane. C'est deux mal nécessaires. Jour côté son femme, c'est jour à le faisceau à terre. Je ne vais pas compter sur l'IA, c'est l'IA qu'on les vomit dans l'air. Il caresse, on lui mionne, on lui donne l'autre, on lui beau. Il retire tes cheveux blanches dans la tête pour le fort, il rajeunit. Mais pas peur, il gonfle en bas, on lui beau quand même, et la prend. Par exemple, il fait marier avec un garçon. Mais fier, on dit, j'en compte pas la pile, François, ou en point. Les garçons, un petit genre un habitant de Corée, on prend des bateaux pour n'en pas c'est ça. Mais sont même qui vous fait marier. Ou pas qu'être en lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mais jour dimanche là, c'est jour pour perdre du temps, pour parler avec Marie. Pour parler avec les poids de chérie. Pas faire ça, plutôt faire ça plutôt. Pour faire comme ça, pour capable faire comme ça tout. Pour comprendre, on dit Jean Bagaille, comprendre. Même si vous n'avez pas l'anti France avec lui, quand vous avez dit vous avez dit comme ça, chérie, on n'aurait pas le savoir de dire ça. On aurait dû de comprendre selon quel radical à la maison certitude. Vous comprenez? Mon petit français, vous comprenez? Qui peut aider, vous comprenez? Qui peut encourager, vous comprenez? Malgré toute manœuvre à faire, c'est manœuvre à dire dans le droit. C'est bagaille, vous comprenez? Nous-mêmes, vous comprenez? Mais disons mal parlé, mais de ce côté, comme tout bagaille, ça, vous comprenez? Même si vous ne pouvez pas comprendre rien, vous comprenez? Vous comprenez? C'est bon, bon. Et pourtant, c'est dans le dos. Alors ce jour-là, par contre, ça passe bien. Si c'est grand, mais qui est dans le plan de cathésie, nous comprenons le level. Il vient de m'aller acheter dans la cour, croiser 10 piles, ne l'a calculé. Mais, on dirait que l'on a senti qu'on bagaille qui va arriver. Vous comprenez? Senti qu'on bagaille qui va arriver. Alors, il y a même comme Rizès, il paraît son monsieur. Et puis, il chita son monsieur. Et puis, il met des petits menants, tout ce qu'il a fait, il a fait un petit capote, Kéou. Et puis, habitant de quoi, même fermé des tigres, j'ai l'abdomi. Il comprend, c'est bon, bon. Et pourtant, l'on dit. Ah! Ça c'est pour qu'elle lâche à la derrière. Puis elle dit chérie, pour qu'on y ait soit dormi mon songe. Monsieur dit, mais qui est pour faire? C'est pas bolette. Puis elle dit non, parce que c'est plus important, pas c'est bolette. Monsieur dit, mais racontez-moi. Ça passe on a dormi. Eh bien chérie, c'est pas rien. Trouvez-moi dans dormir, c'est 7 ans, toi, nous allons aller. Nous allons prendre prière pour vous. Pour être soit va jouer notre idiot pour t'aider ma avec Timonio. Non, mais dis monsieur. Pour une femme qui font réflexion pareille, ça vous dit. Ah, c'est madame Paula, parce qu'elle sortit pour l'aider ou pas ça. Et pourtant, allez, regarde l'eau. Aïe, aïe, aïe. Ça, comme j'ai dit. J'ai dit, mes chéris. Allez, non. Ah. Oh, les filles arrivent à cet endroit. C'est pas ça, là, le régler. Là, le faire radiographie. Là, le racher dans des yeux. Là, le bail, la donne. Là, elle tourne, elle tourne avec un pays, elle a vu une jeune malheureuse. Alors, puis nous, c'était déjà pas ton goût, je comprends. Je vais le dire, ma. Comment ça le prend? Alors, qui veut dire en français? Vous ne pensez pas que je ne ça, je pas, ouais, qui pas tourné. Ah, ça, c'est conception, pas monsieur. Bon, nous voilà dans un. Voilà moi-même, même qui est ma gros petite. L'aime de petite la belge, là. Petite la belge. Et puis, pour regarder la petite la danse, regardez le type palma, regardez, adieu. Ce qu'on a fait, maman, regardez tout les gestes. Adieu. Oh, mon Dieu. Ha! Pareil qui tue, moi. C'est l'autre de petite la mettre des habits sous lui. Moi-même, quand je vais regarder la vitrine, ou je vais regarder toutes les conférences de la terre. Ah! Hein, mon bagage qui arrive. On s'est dit de grands savants, vous comprenez, qui tout le temps des petits. Oh oui, la terre est ronde. Mais moi-même, comme des hommes, je dis non, c'est pas vrai. Parce que pour une série de rencontres, je fais des rencontres. Ah! Je rencontre carré, je rencontre rond, je rencontre pointu. Ah! Dans l'autre qualité, même là, je dois regarder, vous comprenez? Ce qu'on a siège à voler, je vais regarder dans le waffle, pao! Aïe, aïe, aïe! Ah! Oh, mais quand tu es mort, c'est l'autre des petits, tu as fait une toilette. Il mettait des habits et le soulier, puis le poudré, et puis petit à le coucher. Et puis moi-même, je me suis capable de garder. Tifoné, tisocéli, tigéli, tinéni, tibouchli. Alors, tibouchli, mon tibouchli, entre parenthèses, là. Oh Dieu. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais quand tu me balades, tu es vivant. C'est l'autre. Vous mettez Timon dans les tomates, vous dites, mais où les tirages? Mais on va gagner, on va mettre du contrôle, on va prendre nos tigeants, on va tabler nos tigeants. Ma pessin, descend, ma pessin, descend, descend, ma pessin. Aïe aïe aïe aïe, on va garder ta blague, tu guides ta petite là. Même tout ça, ma chambre, ma petite là. Poisson, oh mon Dieu, aïe aïe aïe. Moi-même qui percepte ma chère. Je ne comprends pas comment l'entrée là-dedans comme ça. Non, c'est pour me prendre sans pour me souffler. Oui. aïe, aïe, aïe. Oh. Voilà nous donner secret. Ouais, peut-être, les tâtes sont petits bêtes. C'est bête à manger chaque dimanche. L'eau plutôt pétade avec un petit poivre sans, un petit du riz blanc. Bon, banane, j'aurai les bananes farcies. Ha! Ou qu'on l'a mis avec un l'eau, ou prend trois savons. Et puis, on va suivre pour nous, on va beaucoup de petites lois, on va nous faire petite taquette, petite étoile, on va nous chiter sur la table, toute petite lois, on va nous fourrer comme ça, on va manger pétade. Et puis, on va acheter un petit bout d'air du vin, maniché, oui, tu comprends, pour retirer le fil à rien dans l'estomac. Mais, et plus, non. Faut qu'on pas exploiter les bagages ça, oui. Les bagages qui vont faire mon rail, oui. Ah! Si par exemple, on va marcher dans la rue, tu comprends, non. On va arriver à frapper les bagages ça, tu comprends. Pas comprendre sans rien de mal, vous comprenez? C'est parce qu'on ne permet de voir au propre. Vous comprenez? Oui, pas mettre de voir au propre. Parce que peut-être qu'on dit plume sous-dol, on dit plume très très très très soi. L'offre de plume, non, vous comprenez? Ou nettoyer les plumes. Quand vous avez son type plume poule pour nettoyer les oreilles, regardez donc comment je dis ça. Son type plume chair de poule. Oh mon Dieu. Aïe aïe aïe. Type plume, non, vous comprenez? Ah. Ou prend type plume. Ou prend type plume, vous comprenez? Ou mettez la dame, ou visez la dame, ou tordez la dame, ou jouez la dame. Laisse à fond dans la gueule l'autre qui est pour le bas. Nous t'es quoi? Nous t'es quoi? Plus bête à la carte de travail. Ah! Même moi, papa. D'accord. Cadet-pied qu'avec chapeau dans la tête de la bague, c'est là-bas. Alors qu'on ne peut pas des ordi. Cadet-pied. En tout cas, petit mon Dieu, papa, non, mon responsabilité, oui. Hein? Papa dit sortir, c'est pour nous dire. Parce que la pour ça, c'est pour nous dire sortir. Sans comment je dis via là. Oh, chérie, nous n'avons pas besoin de nous danser davantage. On a la caille. Oh, oui, pour nous aller essayer. Alors, ça vient là. Et puis, on a bagarre qui va, quoi, papa? Oh, oh, regardez, monsieur. Camarade, vous apprenez mon petit service, papa. Vous apprenez mon petit service, papa. Par contre, pour les messieurs, mais quoi? Vous revoyez ça? Flash la clampe au choix. Vous m'avez tué le monde, papa. Tuez-le. Et puis, c'est pas un quoi faire tout le bagage, ça, non? Vous n'avez pas faire tout. Parce qu'on a pile 9 ans. C'est ça quoi faire ça, oui? Ah, c'est Antoine, papa. Nous connaissons le premier. Mais un jour, nous avons fait un petit peu de Jocelyne, oui?